Bonjour. Donc on va commencer. Donc Gaëlle vient nous parler du prix excessif des médicaments et des brevets pharmaceutiques. Donc elle va parler pendant une vingtaine de minutes et ensuite il y aura 40 minutes de débat et de questions autour de ce sujet. Voilà, donc Gaëlle, je te laisse la parole. Merci. C'est bon, elles sont. Enfin, vous m'entendez normalement, j'ai pas besoin de parler plus fort. Ouais, je sais, mais bon. Ok. Ok, donc bah, moi j'ai préparé, enfin, prévu de faire un petit topo de 20 minutes en gros, mais n'hésitez pas à me couper à n'importe quel moment, hein, parce que bon. Donc, bah, le thème général, quoi, c'est des problèmes d'accès aux médicaments, le prix des médicaments, les problèmes d'accès aux médicaments aujourd'hui en France. Et la raison pour laquelle je voulais parler de ça. Oui? Ouais, ok. Et ben je suis donc c'est un sujet sur lequel moi j'ai pu travailler en tant que sociologue, mais avant j'ai surtout travaillé en tant qu'activiste. J'ai travaillé beaucoup dans la lutte contre le sida à partir de 96 pendant une dizaine d'années, et puis ensuite bah, je me suis mis à faire de la sociologie sur ces sujets-là. Et maintenant je fais de la sociologie sur d'autres sujets, mais je continue à travailler là-dessus quand même un petit peu. Et puis surtout je continue à bosser avec pas mal d'associations. Alors moi je travaillais beaucoup sur les questions d'accès aux médicaments dans les pays du Sud, en gros pendant la période la plus dure de l'épidémie de sida, où vraiment on ne voyait pas comment ça allait pouvoir se ralentir. Et donc la question à l'époque c'était l'accès aux médicaments dans les pays du Sud. Donc comment on allait donner accès aux antirétroviraux, des médicaments qui coûtaient 10 000 euros par patient pour une année de traitement. Donc comment est-ce qu'on allait donner accès à ces médicaments-là, aux malades dans les pays du Sud? Et ben maintenant, on se retrouve dans une situation où, en gros, le problème de l'accessibilité aux médicaments, il commence à se poser en France, et pas que en France, hein, aussi en Europe, enfin, dans différents pays en Europe ou aux États-Unis, avec certains traitements. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est une problématique qui émerge, en gros, dans notre pays. Sur laquelle bah, les associations qui travaillent sur bah, différentes pathologies en fait n'ont pas l'habitude de bosser là-dessus, sauf ceux qui travaillaient sur les pays du Sud, quoi. Mais les gens qui travaillent sur le sida, l'hépatite, le cancer, etc., dans leur, enfin, en France, ils travaillaient sur plein de choses, la façon dont les patients sont traités, les relations avec les médecins, la façon dont l'hôpital fonctionne, etc., des milliards de choses, mais ils ne travaillaient pas sur le prix du médicament, parce qu'en gros, le prix jusqu'à présent, bah, on ne le connaissait pas vraiment, en fait, puisque c'est remboursé, on ne se posait pas la question. Et puis, il n'y avait pas de problème d'accès à cause du prix. Bah, sauf qu'en fait, on a rencontré une situation nouvelle depuis maintenant 2 ans en France, avec l'arrivée de nouveaux traitements contre l'hépatite C. Donc, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, parce que c'est un peu une révolution thérapeutique pour les patients, dans le sens où c'est des médicaments qui, en l'espace de 3 mois, peuvent éliminer le virus dans le corps de la personne qui a l'hépatite C. On pouvait déjà éliminer le virus avec les traitements qu'on avait avant, sauf que c'était des médicaments avec beaucoup plus d'effets secondaires. Donc en fait, et ça durait beaucoup plus longtemps. Donc c'était vraiment super lourd parfois pour certains patients. Et puis il y avait à peu près 50% de chances de se débarrasser du virus. Maintenant, on est à 90-95% de chances. Donc voilà quoi, ça change radicalement la donne pour le patient. Puis aussi en termes de santé publique, quoi, face à l'épidémie d'hépatite C, bah, ça donne la possibilité d'imaginer que bah, on mette un terme à l'épidémie, quoi. Bon, le problème, c'est qu'avec ces médicaments, bah, arrive le prix de ces médicaments. Et en gros, donc aujourd'hui en France, un produit, sachant qu'il faut faire une combinaison de deux ou trois, vaut 41 000 euros pour un patient pour 3 mois. Donc, vous voyez à peu près, il y a entre 230 et 300 000 personnes en France qui ont l'hépatite C. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ne le savent pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur statut. Mais donc, voilà en gros quoi, le nombre de gens qui pourraient avoir besoin de prendre ce médicament, sachant que ce médicament, bah, il peut être pris par n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être très malade pour le prendre. L'hépatite C, c'est une maladie qui se développe en général sur des années, qui peut finir par un cancer du foie, quoi, en gros, donc, et dont on meurt. Mais il y a une évolution lente. Mais on n'a pas besoin d'attendre d'être super malade pour prendre le médicament. Vaut mieux même attendre de ne pas être super malade. Comme ça, il n'y a pas de dommages faits sur les différents organes. Ouais. Oui, c'est le même traitement qu'on prend. Après, il y a plusieurs molécules, et puis selon en fait le génotype, donc le type de virus, il y a plusieurs types de virus de l'hépatite C. Donc selon le type de virus, il y a certains combinaisons qui sont plus efficaces que d'autres. Mais c'est le même médicament quel que soit le stade. Donc voilà, donc 40. Ouais. J'ai lu un article dessus et j'ai vu que tout le monde ne pouvait pas être pris en charge. Et quels sont les critères pour être pris en charge ? Bah oui, c'est ça le problème. C'est que donc, quand le labo est arrivé en France, ils ont proposé un prix de 56 000 euros pour une des molécules. C'est le labo Gilead. Alors le premier labo, donc il y a deux molécules, c'est le labo Gilead. Après, il y a AbbVie, il y a BMS. C'est les trois labos qui ont des molécules dans ce domaine-là en ce moment. Donc Gilead est arrivé, il a demandé 56 000 euros. Donc la France a entrepris une négociation sur le prix, quoi, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau médicament qui arrive. Pas de problème. Gilead arrive avec un médicament en disant ça coûte 56 000 euros. Je veux dire, il y a un justificatif, il y a quelque chose, parce que c'est bien de venir avec. Je veux dire, on va dans n'importe quel magasin, on fait un détail de ce que vous avez acheté, voilà combien ça coûte. Eux, ils arrivent avec 51 000 euros, ils pourraient venir avec 100 000 euros à la limite. Comment on peut justifier ça ? Excusez-moi, c'est vrai que Non, mais je vais répondre aux différentes questions. Donc, la première question, effectivement, donc il y a eu beaucoup d'articles dans les médias sur. Le problème de ce prix. Donc en gros, tout le monde dit oh, c'est super cher, c'est super cher. Après, bon, bah, ça, c'est pas un message très élaboré, hein, c'est un premier niveau de réaction. Donc après, il y en a qui ont pointé le fait que, bah, à cause du prix, en fait, on rationnait l'accès. Et le fait est, les associations sont montées au créneau. Alors quand on parle avec des représentants de l'État, ils veulent surtout pas qu'on utilise le terme de rationnement, parce que tout de suite, c'est horrible. Parce qu'évidemment, ça s'oppose complètement au principe d'accès universel à la santé qu'on. Enfin, dont on estime qu'il est toujours prévalent en France quand même. Mais donc ce qu'a fait l'État, c'est qu'en fait, ils ont mis en place des recommandations médicales où ils ont décidé qu'on donnait accès à partir d'un certain niveau d'évolution de la maladie, donc exactement l'inverse de ce dont je parlais, au lieu de donner accès à tous ceux qui pourraient prendre le médicament parce que ça leur permettrait de virer le virus dans leur organisme. Ils ont soucieux de justement avec la crainte qu'il y ait trop de gens qui affluent pour avoir accès au traitement et qui soient débordés financièrement, du coup, ils ont mis un stade d'évolution de la maladie à partir duquel le médecin peut prescrire. Ce qui a fait d'ailleurs réagir certains médecins, parce qu'en gros, les médecins, ils se retrouvaient avec une fiche. Il y a 4 stades dans l'hépatite C. Et en gros, il y avait les 2 premiers stades grisés, donc ils n'avaient pas le droit. Donc si le patient était dans ces 2 stades-là, bah, il ne pouvait pas faire une prescription. Et puis sinon, bah, il était supérieur à F2 ou F3, F4, et alors là, ils cochaient et puis ils prescrivaient. Donc il y a des médecins qui ont commencé à vivre ça assez mal, en fait. Donc voilà pour le rationnement. Alors, la réaction, donc le labo, comment il justifie ça ? Bah, en fait, l'argument classique de l'industrie pharmaceutique, c'est de dire le prix du médicament, en gros, c'est le médicament de demain. Pourquoi ils disent ça ? Parce que, en gros, quand ils sont capables de demander un prix comme ça, parce qu'en fait, ils ont un brevet sur le médicament, donc un monopole. Ils sont le seul labo qui peut commercialiser légalement ce produit. Donc l'État a effectivement, a priori, pas le choix. Il doit négocier avec ce labo. Je dis a priori, on verra après qu'il y a d'autres possibilités. Que ça coûte ça ? Non, c'est moins avancé. Attends. Donc, le labo a un monopole que l'État lui a donné. Hein. Donc, en gros, le monopole, c'est le brevet. Le brevet, à quoi ça sert ? Ça sanctionne une invention. Enfin, à la base, historiquement, le système du brevet, c'est ça. Un industriel dans n'importe quel domaine invente un truc. Et donc, en gros, pour lui permettre de rentabiliser les investissements dans son invention, pour élaborer son invention, ben, on lui donne un monopole, il va être le seul à pouvoir jouir du marché pendant 20 ans. Alors avant, les brevets, c'était moins longtemps, maintenant on en est à 20 ans. C'est ce que dit l'Organisation mondiale du commerce. 20 ans, et puis on a trouvé des façons de rallonger les 20 ans dans certains cas de figure. Donc le labo, il a son monopole, donc voilà, ça crée une situation de négociation un peu difficile pour l'État. Et par ailleurs, donc il y a ce justificatif qui est de dire, ben, moi j'ai investi dans la recherche, donc c'est normal que... Ben voilà, qu'on me paye cher. Alors, peut-être je vais revenir là-dessus après. Le deuxième aspect, le deuxième argument qu'utilise Gilead, c'est de dire, et ça c'est un argument qui, comme le premier commence à être entamé, devient de plus en plus fort, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça vous coûterait de ne pas avoir le médicament ? En gros, c'est l'espèce de valeur sociale du médicament. Donc on entend ça de plus en plus. Et là, en l'occurrence, c'est de dire, mais si vous ne donnez pas le traitement, ça va finir par une grève du foie. Combien ça coûte une grève du foie ? 55 000 euros. Donc voilà. Et donc si maintenant, donc maintenant le prix c'est 41 000, donc si je vous le fais à 41 000, vous faites quand même 4 000 euros d'économie par patient. Le problème c'est que l'État accepte de calculer comme ça. Bon. Donc voilà, on était dans cette situation. Alors 41 000 euros, ça permet clairement pas de donner accès à tous ceux qui en ont besoin. Donc en fait, ce qu'a fait aussi l'État, c'est qu'il a mis en place un système assez compliqué pour le patient pour avoir une prescription. C'est-à-dire qu'il faut pas passer juste par un médecin, il faut aller. Enfin, il y a un système de qui s'appelle les RCP, c'est des réunions interdisciplinaires de plusieurs experts qui vont traiter les dossiers et décider qui a accès. Ce qui peut être pas forcément inintéressant, mais peut-être pour les cas compliqués. Le problème, c'est quand on fait passer tous les cas par là, en fait, ça ralentit le processus, qui était un petit peu le but du jeu, en fait, pour eux. Comme ils avaient peur d'être débordés par la demande, bah, comme ça, ça fait un peu un effet entonnoir. Donc, pour revenir à pourquoi ce genre de prix, donc il y a plusieurs raisons. Et ce qui est intéressant aujourd'hui en France, c'est que justement, on commence à discuter les différentes raisons derrière ça. Donc évidemment le prix, c'est la compagnie qui décide de faire ce prix-là. Alors, au Congrès américain, il y a eu tout un vrai bordel à propos de ce médicament-là, parce qu'ils ont le même problème que chez nous. Et donc le Congrès a fait faire une étude, et en fait ils se sont rendus compte que la firme Gilead avait elle-même fait une étude de marketing où elle interrogeait différents types de profils, des patients, des prescripteurs, des pharmaciens, des assurances, etc., pour essayer d'évaluer le niveau de prix qu'ils accepteraient. Et donc voilà, et c'est au terme de cette étude-là qu'ils étaient sortis avec le prix aux États-Unis de 84 000 dollars par patient pour 3 mois. Bon, donc ça permettait de comprendre un peu la logique de l'industrie, mais donc. Donc, si j'ai bien compris, on n'est pas d'accord. C'est pas le fait d'avoir fait de la recherche, de mobiliser des chercheurs ou des choses comme ça. Le médicament, à la limite. Pour écouter, je prends un exemple complètement stupide, mais il pourrait coûter 1 euro. Ça pourrait coûter 1 euro. Mais le fait que le marketing, lui, justifierait qu'on pourrait le mettre à 46 000 euros, ben on y va, quoi. Alors, dans le cas de Gilead, en fait, c'est vraiment un cas intéressant parce que ça permet de déconstruire un peu la machine. Il y a eu deux choses assez intéressantes qui se sont passées. D'une part, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, ben, c'est pas Gilead qui avait inventé le médicament. Donc, bon, d'une part, il y a eu beaucoup de recherche publique qui a été faite sur l'hépatite C, de la recherche fondamentale. Donc, dans le domaine pharmaceutique, il y a deux étapes, en gros. Il y a la recherche fondamentale, puis après, il y a le développement. Le moment où, à partir de l'invention, on va élaborer le médicament, faire en sorte qu'il tienne dans une pilule, que ça soit facile à produire industriellement, etc. Donc Gilead, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté une start-up, comme ça se fait de plus en plus, en fait, du point de vue des grosses multinationales qui ensuite commercialisent les produits et qui récupèrent les brevets. Ils achètent la start-up et ils récupèrent le brevet avec. Et après, ils font les essais cliniques, donc le développement, et après, ils commercialisent et c'est eux qui ont le monopole. Bon, en fait, l'histoire est encore pire parce que le mec qui a fait la start-up, il venait du public, il avait fait une grande partie de la recherche dans le public. Après, il est parti, il a décidé d'ouvrir une start-up, clairement avec l'idée ensuite de se faire racheter par des multinationales. Gilead a acheté 11 millions. Oui, bah oui. Ouais. Enfin, là, il avait vraiment l'intention de faire un gros bénéfice et ça a très très bien fonctionné pour lui. Oui, oui. Je ne sais pas si ça rentre dans le débat, mais les grosses boîtes n'ont pas envie, en fin de compte, de développer des produits ou choses comme ça. Ils n'ont pas envie. Ils préfèrent laisser ça à des startups qui, elles, en fin de compte, ça leur convient très bien parce que ça leur permet de cibler sur une recherche. Une fois qu'ils ont trouvé le produit, ils arrivent sur le marché en disant « Voilà, moi j'ai ça, ça, ça et ça ». On va se réunir. C'est la plus grosse entreprise qui c'est un peu une vente aux enchères, quoi, en fin de compte. C'est la plus grosse entreprise qui va rafler le marché, il va rafler le brevet, et après, il se dit, ben voilà, je suis l'unique détenteur, donc à moi de négocier. Effectivement, ça va coûter des millions de dollars certainement pour acheter la start-up, mais après, ça va être le jackpot, quoi. Et c'est ça. Alors, j'amène ma question, c'est pourquoi, justement, puisque cette personne arrivait du public, pourquoi l'ENETA, puisqu'on a des structures pour ça. On a des structures, on a l'Institut Pasteur et autres. Pourquoi on ne fait pas notre propre recherche que les gouvernements aient un pôle de recherche et on trouverait certainement des médicaments et autres qui permettraient de sauver des vies humaines et non pas de jouer un petit peu à la roulette russe avec cet effet entonnoir. C'est sûr que ceux qui sont pas malades ou très peu malades au départ, c'est sûr que le fait d'attendre, déjà il y a des souffrances et autres. Et puis après, bah, effectivement, ça vient l'urgence, quoi. Un des problèmes majeurs, enfin il y a deux trucs par rapport à ce que tu dis. Il y a d'une part que le secteur pharmaceutique s'est ultra transformé depuis 20 ans, qu'il y a eu ces trucs de fusion-acquisition des industries pharmaceutiques et qu'en fait ils se sont mis progressivement à... C'est devenu à la fois des énormes mastodontes mais avec une énorme part de leur activité tournée sur le marketing et de plus en plus d'externalisation de la recherche. Donc voilà. Bon, ça c'est un premier problème. L'autre problème, c'est la financiarisation. Quand donc Gilead a racheté ce brevet pour un prix complètement délirant, c'est parce qu'en fait il y avait un effet de spéculation et que tout le monde voyait ce qui allait pouvoir être fait comme argent sur le marché ensuite. Et là, je crois qu'on en est à 19 milliards de bénéfices en l'espace de 3 ans. Enfin, c'est des trucs de malade, quoi. C'est pas du médicament. Non, je sais. L'année dernière, ils ont fait 50% de profit, ce qui dépasse l'entendement. Mais bon. Donc pour revenir, après je finirai de te répondre parce qu'en fait il y a des propositions qui commencent à émerger en France et ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Donc sur pourquoi on a ces prix-là. Donc bon, bah d'abord évidemment il y a l'intention de l'industrie. Donc voilà, par exemple Gilead. Mais ce qui est intéressant aussi de prendre en compte, c'est qu'en fait, ok, il y a Gilead, mais il n'y a pas que Gilead. On n'a pas le problème qu'avec ces médicaments-là, malheureusement. Et on voit, par exemple, dans le cancer, qu'on a de plus en plus de problèmes. Donc, il y a des phénomènes de rationnement qui se mettent en place dans le cancer, qui sont pour l'instant beaucoup plus discrets. C'est-à-dire que, par exemple, si une personne est assez âgée, le dernier médicament pour quelqu'un qui est en phase 4, ça va coûter 120 000 euros par an. Ça ne veut pas dire, et là je tiens à préciser que souvent les gens pensent que quand on est en stade 4 de cancer et qu'on est vraiment en état de soins palliatifs et qu'on n'a pas de vie, quoi, bah c'est pas vrai. Quoi. Moi j'ai des amis, ils sont en stade 4 avec des traitements qui coûtent plus de 120 000 dollars par an et ils vivent normalement quasiment. Quoi. Sauf que si on leur enlève le médicament, ils ne vivent plus. Bon. Donc si la personne est là, en tout cas on a pu observer que dans les hôpitaux, pour des gens à partir d'un certain âge, en fait ce qui se passe c'est que le médecin il dit bah, il n'y a pas d'option thérapeutique. En fait, si le patient est capable de dire « désolé, mais je sais qu'il y en a », peut-être qu'il aura le médicament, mais en général, bah, ils le savent pas, donc ils disent rien, quoi. Et voilà, c'est la vie, c'est le cancer, et voilà. Donc, il y a déjà ces phénomènes qui se mettent en place, mais si dans l'hépatite C, on observe que vraiment, on a une politique de rationnement, donc qui s'appuie sur des critères médicaux en disant qu'à partir de tel moment, on va donner le médicament, on peut clairement craindre qu'on ait affaire à la même chose dans d'autres domaines. Pas juste parce que l'État est tout pourri, mais parce que de toute façon, l'État ne pourra pas payer à ces prix-là. La Caisse nationale d'assurance maladie, dans son rapport de l'année dernière, a clairement dit... Pour la première fois dans les pays riches, on est confronté à des problèmes d'accessibilité aux innovations médicales de la même façon que les pays des pays pauvres, quoi. Et c'est une première. Donc c'est une nouvelle en fait, c'est une nouvelle problématique qui se pose. Donc pourquoi ces prix ? Bah, il y a la question de l'attitude de la compagnie, mais après tout, on peut se dire bon, une compagnie c'est aussi une compagnie, hein. Enfin une firme c'est une firme. Deuxième stade, c'est la négociation. Il y a eu beaucoup de critiques des associations en France sur la façon dont l'État français négocie avec les labos et le fait que, en fait, on a une instance qui s'appelle le CEPS, le Conseil économique et des politiques de santé ou quelque chose comme ça, qui est chargé en fait de négocier avec les industriels. Dans un cadre pas du tout transparent. Et donc voilà, ils négocient ensemble et puis à la fin, il y a un prix. Alors, pourquoi pas au niveau européen ? Ouais, ça, enfin, on pourrait peut-être, ouais. Ça a été proposé en fait, ça a été proposé par la ministre, plus ou moins, enfin qui a dit qu'il faudrait qu'on discute au niveau européen et d'autres pays, enfin d'autres pays, parce qu'en fait assez rapidement ça s'est mis à râler dans tous les pays, donc au niveau du Parlement européen ça a été discuté, au niveau du Conseil européen ça a été discuté. En fait assez rapidement il est apparu que les États ne voulaient pas faire ça parce qu'en fait chacun est très jaloux de la relation qu'il a avec l'industrie, chacun est aussi complètement convaincu qu'il arrive à avoir les meilleurs deals. Bon, il y a des relations de collaboration. Oui, mais il y a des relations aussi de collaboration entre le secteur public et le secteur privé qui font aussi que, voilà, ils n'ont pas envie de raconter ce qu'ils négocient et comment ils négocient. Et ils sont convaincus qu'il vaut mieux qu'ils dealent chacun de leur côté plutôt qu'ils se mettent à faire ça à 28. Bon, le fait est que ça serait un bordel colossal. Ça, c'est à peu près clair aussi. Mais... Et puis aussi, ça serait compliqué aussi parce que les niveaux économiques sont très différents d'un pays à l'autre. Hein. Il y a aussi ça. Mais bon. C'est un truc qui a été mis sur le tapis. Ouais, pourrait y avoir beaucoup de choses jusqu'à preuve du contraire. Enfin, le problème, c'est aussi que la question de la négociation du prix des médicaments, en fait, c'est du ressort des États et c'est pas une compétence européenne. Donc, c'est chaque État qui est responsable. Les États, enfin, c'est le cas parce que c'est eux qui veulent que ce soit le cas. Donc, il faudrait qu'ils changent ça, en fait, qu'ils donnent une compétence. Ouais. Toute la façon dont c'est géré, en fait, c'est national pour l'instant. La seule chose qui est collectivisée, c'est le fait de donner des autorisations de mise sur le marché. Il y a une agence européenne qui fait ça, mais sinon, tout le reste, chacun le deal au niveau national. Ah bah oui, ça, oui. Oui, on peut... Oui, au niveau de TTIP, il peut y avoir des enjeux aussi. Une des autres raisons, c'est que... Enfin, un des autres problèmes, notamment qu'ont soulevé certaines ONG, c'est qu'au niveau européen, l'Agence européenne du médicament, donc qui donne les autorisations de mise sur le marché, en fait, elle est ultra sous le joug des lobbies pharmaceutiques. Et c'est facile, quoi. En gros, elle se fait coincer à Bruxelles par tout un tas de lobbyistes. Et le problème, c'est que la société civile n'a pas vraiment les moyens de faire le balancier. Et qu'en gros, les gens se disent, bah, au point où on en est, on a encore, dans ce domaine-là, ça risque de compliquer les choses pour les ONG nationales parce qu'elles auront moins d'accès à Bruxelles qu'elles en ont à Paris. Bon, c'est aussi une réalité, quoi, malheureusement, pour le moment. Un truc qu'il faut savoir sur ce médicament aussi, c'est qu'en fait, il y a des études qui ont été faites sur combien ça coûte à produire. Et il y a des chercheurs de l'université de Liverpool qui ont montré qu'en gros, la production de ce médicament, ça pouvait revenir à 100 euros pour 3 mois. Donc avec une certaine marge de profit. Donc ça c'était super intéressant parce que bah voilà quoi, ça permet de dire bon on pourrait le produire à 100 euros pour 3 mois et là on l'achète à 41 000 euros pour 3 mois. Il y a des génériques qui se sont développés dans certains pays où il n'y avait pas de brevet et le fait est qu'aujourd'hui on en est déjà, donc ça baisse à chaque fois. Là on en est à 450 euros pour 3 mois. Donc c'est des firmes indiennes qui produisent pour faire de l'argent, hein, clairement. Donc voilà, elles produisent à 450 et avec ça elles font de l'argent. Ce matin je discutais avec des gens, donc en Tunisie là ils en ont maintenant à 2400, au Maroc c'est à 900, en Égypte c'est à 800, donc c'est très variable, mais ça montre aussi que voilà, quand il n'y a pas qu'un seul qui produit, en fait on a toutes sortes de gammes de prix. Du coup, j'imagine, enfin, tu vas peut-être en parler après, mais que ça suscite aussi un tourisme, enfin, c'est pas le bon mot, mais pharmaceutique, et aussi des mafias qui revendent, ou on peut acheter par internet, enfin, j'en sais rien, mais des choses pas très claires, parce que, vu les différences colossales de prix, enfin. Ben en fait, commence à y avoir des systèmes de buyers club qui se mettent en place en Australie, au Royaume-Uni. Là, en ce moment, les gens commencent à discuter en France, où c'est les patients en fait qui s'organisent. Donc moi, j'ai vu des gens au Royaume-Uni. En fait, ce qu'ils font, c'est que le patient a un médecin indien. Donc le traitement il dure 3 mois, donc en fait c'est possible pendant 3 mois d'avoir un suivi à distance. Ils font des Skype, il a toutes ses analyses, quoi, il transmet tous ses bilans médicaux, le médecin il lui prescrit, il envoie le médicament et voilà quoi. Donc ce qu'on a discuté avec les ONG en France et ce qu'on essaye aussi d'expliquer au ministère de la Santé, c'est que il semblerait préférable que ça se passe à l'intérieur du système plutôt que les gens soient obligés de faire des trucs à l'extérieur du système. Parce que, bien sûr, il y a la question de la qualité des produits qui se pose. Maintenant, en Inde, enfin, une énorme partie des médicaments qu'on prend sont produits en Inde ou en Chine. Enfin, il y a de très bonnes qualités de produits en Inde ou en Chine. Hein. Mais le fait est que si on oblige les gens à être au dehors des systèmes qui sont régulés. Oui, la contrefaçon existe. Voilà, bien sûr. Oui, oui. Ça veut dire... Je suis désolé, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse très fortement. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a dimanche dernier, d'aller à une... Il y avait le professeur Joyeux, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait justement une petite conférence sur la vaccination. Et il y avait un pharmacien qui était là, qui a écrit un livre justement sur ces mafias, en fin de compte. C'est même pas les mafias au sens italien et autres, c'est les mafias des grands groupes pharmaceutiques et qui créent des pénuries, qui créent des filières, qui créent tout un système qui va être complètement opaque, impossible à gérer, à savoir qui fait quoi, dans quelles circonstances. Et on va se retrouver effectivement avec des gens qui vont prendre des médicaments et qui vont les tuer plus qu'autre chose, quoi. C'est là où vient le danger, c'est que si les gens commencent effectivement à essayer de trouver des marchés parallèles, forcément ça va créer soit du tourisme pour aller se faire opérer effectivement les dents, choses comme ça, ou créer des vrais mafias qui, elles, en fin de compte, ça va être que de faire du fric, hein. Après, les médicaments, qu'ils soient bons ou pas bons, on n'a rien à foutre, quoi. Mais bien sûr. Ah bah. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire, ça c'est sûr. Ouais. Bah après, enfin, il y a un autre truc qui a été assez choquant depuis 2 ans. Alors hier, en fait, il se trouve qu'hier, il y avait un rendez-vous au ministère de la Santé, parce que moi, je conseille en fait des ONG, et donc elles avaient rendez-vous hier au ministère de la Santé. Et un des points qui était discuté, c'était le fait que dans la loi française, comme dans les accords de l'OMC, par exemple, il y a des dispositions juridiques qui permettent à l'État, qui est souverain sur son territoire, de donner des brevets, ok, mais aussi de lever ces brevets dans un certain nombre de situations. Et notamment la loi française précise qu'on peut lever les brevets quand on a des problèmes de prix excessifs. Donc là, on est vraiment dans un cas comme ça, voilà. Oui, mais sauf que ça fait 2 ans que, en fait, le gouvernement refuse de regarder cette possibilité légale. Bon, on n'a même pas réussi à discuter pourquoi... Enfin, donc ils nous disent, ouais, non, c'est pas possible, ouais, c'est compliqué. Donc on essaie de dire, bah, pourquoi, comment, quoi. On peut vous envoyer nos experts et vous envoyer les vôtres, et puis on regarde le texte, parce qu'on comprend pas pourquoi c'est si compliqué. Donc hier, Marisol Touraine a dit que c'était pas possible, parce que sinon, les labos allaient attaquer la France. Donc on lui a dit, bah, enfin, non, enfin, on comprend pas l'argument. Donc on en a rediscuté ce matin. Non, ils attaqueront pas la France. Enfin, s'ils attaqueraient la France, ça serait une belle opportunité d'avoir un scandale mondial. Donc, enfin, je pense pas qu'ils attaqueraient la France. Mais bon, en tout cas, c'est pas que en France. Hein. On est dans ces situations où, en fait, il y a des relations entre l'État et les laboratoires pharmaceutiques qui font que, en fait, l'État est en permanence donc soumis à des chantages, c'est vrai. Les industriels disent, si vous refusez nos conditions, on va pas mettre les produits sur le marché. Donc, vous allez avoir les patients sur le dos. Et on va aller s'installer ailleurs. Donc la réalité, c'est que de toute façon, ils vont s'installer ailleurs. Donc si on veut parler de ce que représente l'industrie pharmaceutique en termes de job, il faudrait avoir ce débat, en fait. Et puis il faudrait aussi discuter du fait que si on fait produire des médicaments en France, pas par Gilead, mais par un labo français, bah ça fait aussi des jobs. Donc bon. Après, l'autre problème, et ça c'est un problème qui est soulevé donc par les associations françaises de plus en plus, et là ça crée un débat qui, je pense, est ultra intéressant, c'est de dire, bon bah... regardons, un peu comme c'était dit tout à l'heure, qui paye la recherche, en fait, combien ça coûte la recherche et qui la paye. Et en fait, c'est quand même saisissant de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'argent public qui va à l'industrie pharmaceutique sous de multiples formes. Donc ça peut être des financements directs, bien qu'on soit tout le temps en train de dire on paye pas, on fait rien, etc. En fait, si, on paye beaucoup de choses au niveau national, à travers tout un tas d'agences de recherche, de programmes et de subventions au niveau européen. Mais il y a aussi la fourniture de médecins, de patients, d'hôpitaux, locaux pour faire des essais cliniques, par exemple. Mais il y a aussi les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est colossal, quoi. L'argent qui, du coup, n'est pas payé en impôt par les industriels au prétexte qu'ils font de la recherche. Donc, il faudrait, voilà, faudrait de la transparence sur qui paye quoi. Et avoir une vision plus claire, parce que pour l'instant, en fait, les seules données qu'il y a, elles émanent de l'industrie. Donc aujourd'hui, l'industrie nous dit que ça coûte 1,2 milliard pour sortir un nouveau produit. La seule étude qu'on a à part ça, c'est un groupe qui bosse avec Médecins Sans Frontières et qui, lui, parce qu'il le fait, évalue qu'en gros, ça lui coûte en général de 30 000 à 150 millions. Donc on est dans des échelles très, très différentes. Hein. Donc il faudrait qu'on ait des études qui soient pas biaisées pour avoir une idée de qui paye quoi, mais aussi il faudrait qu'on ait beaucoup plus de transparence sur que soit l'État paye, soit l'argent qu'il accepte de percevoir comme impôt, de sorte que par exemple quand on a des médicaments comme ces traitements qui arrivent, ben en fait on sache que ouais en France il y a au moins 3 agences qui ont financé des traitements sur ce produit, sur cette gamme de produits là, pas ce produit là exactement, mais cette gamme de produits là, et donc en gros en fait qu'on, mais c'est tout un, enfin c'est une conception des choses aussi, mais qu'on pense en termes de retour public sur l'investissement public. Où aujourd'hui on est dans une situation où c'est comme en fait si on était simplement à la merci de gros groupes qui ont la gentillesse de vouloir faire de la recherche et qui nous amènent des innovations, alors qu'en fait on paye 15 fois cette innovation à plein de moments différents. Et que le système comme il fonctionne aujourd'hui, c'est donc la croyance que donc ce que je disais au début, les médicaments de aujourd'hui, c'est les médicaments de demain, quoi. Donc, ce qu'on paye aujourd'hui, ça servira à avoir des médicaments de demain. J'ai assisté une fois à une réunion au ministère de la Santé, justement, où Gilead lui-même disait « Non, mais le prix, en fait, ça n'a pas à voir avec la recherche et le développement. » C'est là où, en fait, Gilead, eux, ils ont switché. Eux, ils sont plus sur cet argument-là, parce que dans leur cas, ils savent que c'est un peu dur à argumenter. Donc, en fait, eux, ils ont switché. Ils parlent de « c'est le prix de la greffe ». Mais le fait est, donc, voilà, les gens commencent à reconnaître « Non, ça n'a rien à voir avec le prix du médicament. » Ce que vous dites là sur les médicaments, je vous conseille, alors vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vous conseille de voir le reportage qui a été fait par l'équipe d'Élise Lucet, Cache Investigation, sur les cigarettiers. Sur les cigarettiers. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ces gens-là vont jusqu'à faire des études dans le reportage. Ils vont faire des études en Tchécoslovaquie ou ailleurs, et où l'étude dit que, en fin de compte, les États devraient, c'est cynique, hein, les États devraient au contraire encourager les cigarettiers à mettre des cigarettes sur le marché qui donnent des cancers, hein, quels qu'ils soient, hein, la gorge, la langue, l'œsophage, machin, parce que l'avantage, c'est que les États n'auront pas à payer les retraites.